Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Hergé, le génie derrière Tintin. Hergé, dites-moi, vous n'avez pas de prénom? Ça veut dire que Hergé est un nom formé de mon prénom et de mon véritable nom. Hergé, Hergé, Remy, c'est mon nom de famille, et Georges, mon prénom. Donc j'ai un véritable prénom et un véritable nom en plus de mon pseudonyme Hergé. R pour Remy, G pour Georges, Hergé, Remy, Georges ou Georges Remy, qui explique dans cet extrait d'où vient son pseudonyme, entrevue qu'il accorde à Judith Jasmin en 1962. Géant de la BD, Hergé est le père de Tintin, ce célèbre reporter dont les voyages autour du monde fascineront les 7 à 77 ans, génération après génération. On estime que les 24 albums de Tintin se sont vendus à plus de 150 millions d'exemplaires, rien que ça. Il y a une telle addition de talent chez Hergé entre le dessin, la narration, la profondeur de l'univers, l'humour, la simplicité. C'est incroyable d'avoir cumulé autant de choses en étant quelqu'un d'aussi simple, d'aussi autodidacte, parce que ce n'est pas du tout quelqu'un qui est parti avec un grand bagage culturel. Il a commencé son petit Tintin, il avait à peine plus de 20 ans, il a fait Tintin au pays des Soviets, c'était très maladroit, c'était presque godiche. Et peu à peu, il arrive jusqu'à des albums merveilleux, extraordinaires, comme le Tintin au Tibet ou Les Bijoux de la Castafiore, mais plein d'autres aussi, beaucoup plus tôt, le Lotus Bleu, par exemple, qui sont des albums absolument sublimes, parce que sur tous les plans, ils arrivent à incarner un tel niveau de réussite qu'on est obligé de dire que c'est presque un miracle. Et je dois dire qu'à travers toute l'histoire de la BD, on n'a quand même pas deux œuvres comme celle d'Hergé. Benoît Peters, qui a écrit une biographie d'Hergé à l'émission Double Expresso en 1991, pour nous raconter la formidable histoire d'Hergé et de Tintin, ils sont, ma foi, assez indissociables ces deux. Le comédien, chroniqueur BD, auteur de nombreux ouvrages sur la bande dessinée, dont Demi-Dieu, 40 ans de super-héros dans la bande dessinée québécoise, Jean-Dominique Leduc. Jean-Dominique Leduc, bonjour. Bonjour. À qui a-t-on affaire, de quelle manière et en quoi Hergé est si important? On en a une petite idée déjà quand on entend son biographe. Il y en a eu trois biographes déjà d'Hergé, oui. Benoît Peters. On doit à Hergé l'invention de la bande dessinée moderne, c'est-à-dire une suite narrative racontée en plusieurs pages et non pas seulement des petits strips comme il y avait dans les journaux dès la fin du 19e siècle. On doit vraiment à Hergé la paternité de la bande dessinée franco-belge. Et ce n'est pas rien. Une littérature BD-esque. Tout à fait. Ça commence avec lui. Oui, tout à fait. Évidemment, le phylactère, la bulle dans laquelle on insère le texte, est apparu avant Hergé. Oui. Mais cette idée de raconter sous forme de feuilleton d'abord une longue histoire, une épopée, comme ce fut le cas avec Tintin au pays des Soviets, ah, ça c'était inédit. Oui. On était très très loin de Bécassine, là. Donc... la bande dessinée telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'album couverture rigide qui raconte des aventures, c'est grâce à Hergé. Et tous les lecteurs et tous les auteurs, les éditeurs, tout le monde est redevable à Hergé. Et ce qui est remarquable chez Hergé aussi, c'est que d'abord, il invente la BD telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais en plus, sa propre BD va évoluer, puis ça, Benoît Peters en parlait déjà dans cet extrait, va évoluer considérablement au cours des années. Le personnage même de Tintin va évoluer. À ce propos, je vous propose d'écouter d'abord Hergé, qui nous parle de l'essence première de Tintin, au micro toujours de Judith Jasmin, à l'émission Premier Plan en 1960. Et puis ensuite, vous allez entendre l'auteur Gaétan Soucy parler de l'évolution du personnage de Tintin au micro, lui, de Pierre Bourgault à l'animation des Belles Heures en 1986. C'est un personnage qui ne peut pas montrer en dessin ni sa mauvaise humeur, ni sa fatigue. Là, il agit toujours presque trop bien. Oui. On m'a fait le reproche en anglais, il est goody-goody. C'est bien ça qu'on est. Ah oui. Ça, oui, il est trop trop bon. Il est trop bon, bonbon presque. Hein? Mais tout de même, cela plaît aux enfants. Je crois que tout le monde a en soi un peu un désir d'héroïsme. Oui. Et les gosses se reconnaissent, je crois, en Tintin. Il est ce qu'il voudrait être, peut-être. Il triomphe toujours, d'ailleurs. Oui. Aussi bien par son intelligence que par sa force. C'est pas un athlète, c'est pas un Superman. Non. Et j'ai l'impression que les gosses, et peut-être même les adultes, espèrent toujours... Projettent un peu sur lui ce qu'ils voudraient être eux-mêmes. On dit tout le temps, bon, Tintin est resté le même, Tintin n'a pas changé. On a même parlé que c'était un nain quadragénaire. Les ennemis de Tintin l'appelaient comme ça. Mais en réalité, Tintin passe d'une toute puissance imaginaire, si vous voulez, d'un rapport magique au monde. Dans Tintin au Congo, par exemple, il filme une séquence. Et au beau milieu de l'Afrique, le lendemain, il a été capable de développer les films et est capable, dès le lendemain, de les projeter. Bon, c'est un acte magique. Alors que plus tard, il va être plus humain. Il va être beaucoup plus humain. Et à mesure que cette humanisation-là de Tintin va se faire, il va y avoir une déshumanisation de Milou. Milou va de plus en plus régresser, vers des comportements plus typiquement canins. Il va devenir un vrai chien. Et cela correspond à l'entrée en scène d'un personnage aussi important que le capitaine Haddock. Comment définir ce personnage de Tintin, Jean-Dominique Leduc? Tintin, c'est un boy scout. Virtueux, qui veut toujours le bien, qui veut faire du monde un endroit meilleur. Et c'est très intéressant l'extrait qu'on vient d'entendre, parce qu'effectivement, au point de départ, Milou, c'est le support comique, parodique, oui, chez Tintin. Il dialogue littéralement avec Tintin, commente l'action. Et c'est vrai que du coup, Tintin, au contact des personnages secondaires, va s'humaniser. Donc, débarque d'abord les Dupont, ensuite Haddock, Tournesol. Et donc, effectivement... Les personnages qui, eux, sont pas vertueux. Non, pas du tout. Alors, ce sont des personnages qui expriment les travers de l'auteur d'une certaine manière. C'est des êtres profondément imparfaits. Tournesol est sourd comme un pot. Haddock est un alcoolique qui combat lui-même ses propres démons intérieurs. Et donc, effectivement, Milou va devenir une espèce de personnage... relayé de seconde zone. C'est-à-dire que tout à coup, il occupe plus l'avant-plan. Il n'est plus le support comique. Il n'entretient plus le rapport avec le lectorat. Mais qu'est-ce qui fait, pour revenir à Tintin lui-même, qu'on l'aime tant? On aime Tintin parce qu'on aime l'idée, cette idée-là de se projeter, nous, dans un être meilleur. On aspire à la bonté, on aspire à la droiture, et Dieu sait que par les temps qui courent, c'est de plus en plus rare chez nos élites. Ouais. On vit dans un monde cynique, alors que Tintin, c'est la droiture, c'est les idéaux, c'est un boy scout, comme je disais d'entrée de jeu. Et donc, Hergé va profondément se projeter dans ce personnage, parce qu'Hergé est un être imparfait. Même si, lors d'entrevues, on a là un homme posé, un homme droit, on sait très bien qu'Hergé a eu un parcours de vie assez trouble. Puis on y reviendra, entre autres, tout l'épisode autour de la Seconde Guerre mondiale. On l'a traité de collaborateur à cette occasion-là. On y revient dans un instant, mais parlons du jeune Hergé, puisqu'on y est. Parlons-en un peu de ce jeune Hergé. Qui est-il, Georges Remy? Comment vient-il à s'intéresser au dessin, à la BD? Alors, Hergé s'intéresse au dessin relativement jeune. Chez les scouts, il va développer ses attitudes. On y revient toujours. Oui, on revient toujours au scoutisme. Et donc, son chef scout va l'encourager. Il va même lui dire « Tu pourrais aller travailler pour le journal Le 20e ». Et évidemment, il est engagé par l'abbé Wallaise, qui est un catholique de droite, là. Mm-hmm. Il ne faut pas se le cacher. Et donc, au point de départ, il va accumuler des tâches administratives, il va s'occuper du courrier, notamment, tout ça. Mais tranquillement, il va dessiner des réclames, tout ça. Et il y a un moment où l'abbé Wallaise se dit, on pourrait créer un personnage dans lequel, et évidemment, c'était le but, pourrait véhiculer les bonnes valeurs catholiques, belges. Et donc, va offrir cet espace-là à Hergé. Et Hergé va donc improviser ce personnage qui s'appelle Tintin. Et de fil en aiguille, de semaine en semaine, va pousser son personnage dans des situations extrêmes, dans ce qui deviendra Tintin au pays des Soviets. Oui, ça c'est le premier album. Oui. Donc ça commence dans ce journal. C'est là que naît Tintin. On est en quelle année à peu près? 1929. 1929. Et puis donc, premier album, Tintin au pays des Soviets, qui vient d'ailleurs, c'est intéressant, d'être réédité pour une première fois avec de la couleur. Oui, ce qui est assez particulier, c'est la dernière nouveauté, si on veut, du catalogue de Tintin. Et c'est très intéressant de savoir que dans les années 40, Hergé a résisté à la couleur. C'est-à-dire que c'est son éditeur, Casterman, au beau milieu de la Deuxième Guerre mondiale, bon, il s'est vu des coupes dans le papier, il y a des pénuries de papier. Et donc, M. Casterman dit à Hergé, on pourrait couper dans la, dans la pagination des albums et faire des albums de 62 pages au lieu d'en faire de 120, 130 ouais. pages. Et pourquoi ne pas les faire en couleur, ce qui nous permettrait d'aller gagner du terrain sur le marché français juste à côté. Mm-hmm. Et donc, Hergé, au point de départ, ne dessinait pas et ne concevait pas ses albums en fonction et ses histoires en fonction de la couleur. Et l'arrivée de la couleur va pousser donc Hergé non seulement à redessiner ses albums pour en réduire la pagination, mais à s'entourer aussi de collaborateurs. Mm-hmm. Et donc, c'est la première fois qu'il travaillera avec d'autres illustrateurs et d'autres scénaristes. Je reviens à ce premier album, oui. Tintin chez les Soviets. Il va pratiquement le renier, cet album-là, Hergé. Pourquoi? C'est un péché de jeunesse. Oui, vraiment. Hergé, à l'époque, a 21-22 ans. Il est sous la tutelle de l'abbé Wallaise. On lui souffle des idées, on lui souffle une ligne directrice, une ligne éditoriale. Rares sont les artistes qui aiment retourner sur leur péché de jeunesse. Et Hergé en fait partie. C'est un album qui est à la fois maladroit, il faut l'admettre, mais c'est aussi... Quand on remet l'album dans son contexte, c'est quand même un album assez solide. Pour un premier récit ouais. dessiné, il y a très, très peu d'artistes qui sont arrivés à faire ce qu'Hergé a fait. Mmh. Mais donc, Hergé est ému par le désir de se renouveler. Et c'est pour ça qu'il va, d'une certaine façon, repousser un peu de côté Tintin au pays des Soviets. Mais il va se reprendre à grande vitesse. Oui. C'est assez phénoménal. Les années 30, c'est 7 albums. Comment résumer cette première période-là? Alors, c'est une période faste. Il faut savoir qu'Hergé, en plus de dessiner Tintin, dessine aussi des réclames publicitaires pour le Petit 20e. Il est l'homme à tout faire. Aujourd'hui, c'est pratiquement impensable de concevoir qu'un artiste réalise l'équivalent de 7 albums en 10 ans, à la qualité mm-hmm. de ces albums-là. Et en même temps, je tiens à le rappeler, Hergé invente... un ouais. langage narratif. Alors, il a très, très peu de référents. Évidemment, il y a de la bande dessinée dans la presse anglophone, dans la presse américaine notamment, mais il y a très, très peu de points d'ancrage Hergé. Et donc, ça va donner des albums très, très importants. Les Cigares du Pharaon, l'apparition des Dupont, le Lotus Bleu, qui est probablement le premier album où, là, Hergé, vraiment, d'un point de vue culturel, s'ouvre sur le monde. Les perspectives s'ouvrent. Et je vous dirais que l'abbé Wallaise, tout à coup, ouais. a moins d'incidence sur Hergé. Donc, il devient de plus en plus libre. Il y a un personnage qui est lié à cette évolution de Tintin. C'est Chang Chung-jen, qui est un étudiant chinois à l'Académie des Beaux-Arts. Il le rencontre, Hergé, en 1934. C'est une rencontre pour lui qui est vraiment très, très importante. De quelle manière? Ben, elle est déterminante parce que, justement, les premiers albums de Tintin vont au Congo, aux ouais. Soviets, en Amérique, alors que son auteur, lui, est toujours demeuré en Belgique. Alors, évidemment, ces albums ont mal vieilli. Pourquoi? Ben, parce que... Cliché. Ben oui, voilà, exactement. Cliché, colonialisme. On va l'accuser, d'ailleurs, d'être raciste, ouais. d'être antisémite, d'être misogyne. C'est beaucoup de ses premiers albums qui c'est sont en cause. C'est surtout ses premiers albums qui sont ouais. en cause, effectivement. Et Chang va donc sensibiliser Hergé à l'importance de se documenter, à l'importance aussi de s'ouvrir sur le monde, tout simplement, de comprendre, de s'ouvrir aux autres philosophies. Et donc, Hergé sortira profondément transformé mm-hmm. de cette rencontre-là. Et c'est quelque chose qu'il gardera en lui. Chang va l'accompagner pour le restant de sa vie dans sa pensée artistique. Ouais. Ouais. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, on l'a un peu évoqué déjà, Hergé continue donc de publier ses albums de Tintin et ses les aventures de Tintin au journal Le Soir, entre autres. Cette décision-là, Jean-Dominique Leduc, va lui valoir d'être considéré par certains comme un collaborateur. Ça va le troubler d'ailleurs considérablement, cette affaire-là, ça va lui causer des ennuis. On écoute à ce propos le journaliste et homme de lettres Pierre Assouline, qui a aussi signé l'une des biographies consacrées à Hergé, extrait d'émission Indicatif présent. En mars 1996. Bon, sous l'occupation, il était un collaborateur passif. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour le plus grand journal belge, Le Soir, qui était récupéré par les nazis, et il a publié ses bandes dessinées. Il a donné sa signature et sa caution à ce journal, qui en avait bien besoin. Donc, en ce sens, il a collaboré. Puis il a collaboré aussi à d'autres journaux très engagés, très nazis, avec des bandes dessinées. Mais enfin, ce n'est pas tellement le fait, c'est de soutenir mm-hmm. par son nom et sa signature et son prestige cette entreprise de propagande. Bien, après la guerre, il a été arrêté plusieurs fois et puis finalement, après une nuit de prison et beaucoup d'interrogatoires, il s'en est bien tiré, alors que ses amis ont été soit fusillés, soit condamnés à de lourdes peines de prison. Il s'en est bien tiré parce que des résistants authentiques voulaient faire le journal Tintin. Ils ont eu l'idée de ce journal hebdomadaire. Or, pour le faire, il fallait la caution d'Hergé. C'est la raison pour laquelle il y a eu une sorte de conjuration sourde pour que tous ces gens s'organisent afin qu'Hergé n'ait plus d'ennui avec la justice de la Libération. Mais malgré cela, il en a conservé une grande amertume. Il a estimé que la Belgique de la Libération avait été extrêmement injuste avec les anciens collaborateurs. Et donc, il y a chez lui un côté suicidaire. Sa dépression commence à ce moment-là, en 1946-1947. Mm-hmm. Il voit tout en noir et il se radicalise. Et il se lance dans une fuite en avant et il n'aime plus son pays. Et il veut émigrer en Argentine, qui est quand même la terre promise des criminels de guerre. Alors qu'il n'est pas un criminel de guerre. C'est ça le plus extraordinaire. Et finalement, bon, au bout de 6 mois de démarche, il y renonce pour différentes raisons. Mais il conservera toujours cette amertume en lui. Où situe Hergé, Jean-Dominique Leduc, dans ce contexte d'occupation de la Belgique et de la France? Alors, je vous répondrai en vous disant que c'est simplement un homme qui essaie de gagner son pain. Il faut savoir qu'Hergé gagnait relativement bien sa vie déjà dans les années 30. La guerre arrive, éclate, il y a une pénurie de papier. Il a du mal à gagner sa vie et... à l'époque, il travaillait pour Le Petit Vingtième qui tirait 20 000 exemplaires. Il décide de travailler pour Le Soir, un journal sous l'occupation, qui est tiré à 300 000 exemplaires. Alors évidemment, sa collaboration au Soir va asseoir littéralement la popularité et la pérennité de son personnage Tintin. Et de fait, il y aura, dans cette période où il publie pendant la guerre, de grands albums, des albums importants qui seront publiés. Tout à fait. Écoutez, Le Crabe aux pinces d'or, on parle de l'arrivée du capitaine Haddock. L'Étoile mystérieuse, qui est un album, qui est un des chefs-d'œuvre d'Hergé à plusieurs niveaux. Racam le rouge, Le secret de la licorne, encore une fois, un diptyque ultra bien construit. Les sept boules de cristal, Temple du soleil, second triptyque. C'est vraiment une période faste. Déjà, à l'époque, il vit beaucoup de stress, commence à avoir des ennuis de santé. C'est quand même extraordinaire qu'il ait, encore une fois, durant cette décennie assez trouble, réussi à pondre 6 albums. Et ce qui s'en vient, évidemment, la production sera un peu moins volumineuse, graduellement, mais les deux décennies, les années 50, 5 albums, les années 60, 3 albums, mais vraiment 3 poids lourds. Ces années-là, 50-60, c'est vraiment son âge d'or. C'est ces grands albums, ça. Oui, et je vous dirais aussi que c'est, sur le plan personnel, c'est aussi une période de libération, c'est-à-dire qu'il va quitter son épouse après 25 ans de mariage, pour s'unir à sa jeune coloriste qu'il a engagée. Et le fait de rompre avec son épouse, c'est aussi de rompre, par extension, avec l'abbé Wallaise, qui était très, très attaché à sa première épouse. Et donc, Hergé, à la fin des années 50, évidemment, vit avec une femme qui est de au moins 20 ans sa cadette, et il va aussi s'ouvrir à l'art pictural. Donc, il va s'intéresser à la peinture. Mm-hmm. Et tout à coup, Tintin sera lié à une période assez sombre de sa vie et il voudra s'en éloigner un peu quand même pour vivre. Mm-hmm. Et c'est ça, en fait, la fin des années 50 et les années 60. C'est Hergé qui essaie de reprendre le dessus sur sa vie, de se dédouaner de ce passé, à la fois catholique, mais aussi des périodes, la période très, très sombre de la Deuxième Guerre mondiale. En se dépassant dans son art, entre autres, avec de grands... Moi, je pense que c'est mon préféré, mais on pourrait discuter, chacun a son préféré, mais oui. Tintin au Tibet, il y a vraiment de grands albums. Tintin au Tibet, c'est l'album de sa crise. Il y a plusieurs psychologues qui se sont penchés sur cet album-là, et c'est la recherche de la pureté. La recherche ultime de pureté chez Hergé, c'est le Tibet. Oui. Et c'est le retour, et c'est drôle, parce que ça coïncide avec les retrouvailles sur papier de Tintin et de Chang. Donc, on revient, et c'est comme un cycle, on passe à travers, et ça devient, en fait, une nouvelle période. Moi, personnellement, son chef-d'œuvre, c'est Les Bijoux de la Castafiore, mais comme vous dites, Jacques, on pourrait en débattre pendant des heures. Quand même, ça nous donne le goût d'y replonger ou de le découvrir pour ceux qui ont le bonheur de ne pas l'avoir encore lu. Dans les années 70, évidemment, il vieillit. Il ne nous laissera qu'un album, Tintin et les Picaros. Il meurt en 83, Hergé. Ça nous amène déjà à son héritage, quel héritage laisse-t-il à la BD. On écoute à nouveau l'auteur Gaétan Soucy à l'émission Les Belles Heures en 1986. Vous allez voir, c'est intéressant. Gaétan Soucy qui compare la figure Hergé à celle de Walt Disney. Je pense que Hergé a contribué énormément à fonder les grands canons du médium de la bande dessinée. Et contrairement à la bande dessinée qui lui était contemporaine, des choses comme Walt Disney. C'était l'œuvre d'un artiste. Tout le monde sait que Walt Disney n'a pas réalisé, en tant que créateur, mon Dieu, le centième de la production qui a paru de son vivant sous la signature de Walt Disney. Alors que, même si dans Tintin, il existe une méga-industrie, on pourrait même parler de multinationale culturelle, il y a aussi parallèlement à ça, et c'est ça qui est le plus important, l'œuvre d'un grand artiste, à mon sens. Alors, où situer Hergé, Jean-Dominique Leduc, dans ce monde des grands dessinateurs et de la BD? Oh, je vous dirais au sommet du panthéon ultime. Oui. Mais par rapport à Walt Disney, c'est quand même intéressant cette comparaison, parce que c'est vrai qu'Hergé, c'est 24 albums, je le disais au début de l'émission, ouais. C'est plus de 150 millions d'exemplaires vendus, c'est des produits dérivés. Mais déjà d'ailleurs, dès les années 30, dès le début des années 30, Hergé était déjà sensibilisé à l'image de marque, au développement aussi des produits dérivés de Tintin, et pour lui comptait qu'une seule chose, c'était la qualité. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que Tintin, c'était sa création. On ne lui a pas prêté ce personnage pour qu'il le développe. C'était son fils, en quelque sorte. Son fils spirituel, son fils artistique. Et d'ailleurs, Hergé, dans les années 40, a contacté Walt Disney, lui a envoyé ses albums. Ah bon? Parce qu'il souhaitait que Walt Disney adapte en animation Tintin. Mm-hmm. Il croyait, Hergé à cette époque-là, fermement d'ailleurs, qu'il était le seul capable vraiment de porter à l'écran Tintin sous forme de dessin animé. Et ça ne se fera pas. Non. D'ailleurs, les albums lui seront retournés. C'est un peu cavalier quand même. Et ce sera une des grandes déceptions d'Hergé. Tintin, ouais. C'est vraiment 7 à 77 ans partout? Partout. Je vous dirais que les États-Unis ont résisté. D'abord parce qu'il y a une production foisonnante hein, de bandes dessinées. Le 9e art est très, très vivant et depuis très, très longtemps aux États-Unis. Les Américains sont très jaloux, voire protectionnistes hein, de leur culture. Ceci dit, l'adaptation cinématographique de Spielberg aura ouvert les perspectives à tout un nouveau pan d'Américains à Tintin. Mais il n'en demeure pas moins que les États-Unis résistent, évidemment. Et ça fait partie, puis on termine là-dessus pour dire encore un mot sur son héritage, sur ce qu'il reste de lui aujourd'hui, mais que Spielberg fasse un film représentant Tintin, c'est déjà quelque chose. Ouais. Mais il nous reste quoi d'Hergé et de Tintin, Jean-Dominique Leduc? Ben, il nous reste 24 extraordinaires albums. Il nous reste un corpus. Il nous reste aussi un artiste. Parce que derrière Hergé, il y a Georges Rémy. Il a décidé, en dessinant Tintin, de s'appeler Hergé parce qu'il voulait conserver Georges Rémy pour plus tard, lorsqu'il deviendrait peut-être un peintre connu, ce qu'il ne deviendra pas. Ouais. Moi, je fais l'exercice personnellement de relire Tintin aux 5 ans et à chaque fois, je redécouvre une œuvre devant laquelle je m'incline et qui me touche profondément. Jean-Dominique Leduc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Jean-Dominique Leduc, comédien, chroniqueur BD, auteur d'ouvrages sur la BD, copropriétaire aussi de la librairie Z, qui est spécialisée en BD, une librairie de Montréal. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.